Ini bagay ka pase la te la prison. Zaten, ini problem, ini problem pou si de moun. Atan lota moun bate konet pey. Men depi, roman zwa kwe, mette si zo, mette pey, mette wazwe. Ebe ou fe nou ka do, sa a prison. Nou ka do se problem pou si de nou. Sa se komise pou tout moun. I bate ni pey atan lota kanmen. Et si ou passe qui veut, c'est ça yolé. Pour les cachouer, non. Pour j'y vais, yo. Ah, ma vérité, quand même. Pas de vélo, pour j'y vais, yo. Et bien, j'y vais, yo. Le c'est même mon âme. Et pas j'y vais, yo. Qui problème là? Pas de vélo, pour la vérité. Pour la vérité, pas forcé. Et pas j'y vais, yo. Thank you. chausser l'homme en bas en l'aïla. Non si posé lui prend toutes les autres hommes. Bon Dieu pas nous la vie dans toutes les cités. Au chien nous pas sa vie manière nous dit. Messieurs, levez. Mama, qui n'ont pas ni exploité, elle va m'aller les canets, toi, bye-bye. Pour nous monter, nous ne descendons pas la quai. Nous ne pas quitter sa base en fond, nous ne pas venir. Mais c'est hier, levez, levez. Maman, qui n'ont pas exploser, elle va m'aller dans les travailleurs. On nous monte, nous ne descendons pas lâcher. Nous passons qui c'est sa base à fond, nous pas venir. Messieurs, levez, maman, levez, levez, levez, à nous aller, à nous aller. Nous vous voulons, ouais. Maman, levez. Levez, levez, levez, levez. Pour nous, ouais. Levez, levez. Babylon. Babylon, you talk to me there. Babylon, ça tombe Whoa, whoa, whoa. Babylon. You talk you weepy. Babylon. Pose us a tombé. Chale Asilo. Bani toi fight for you. Chale Asilo. You've lived to it. Chale Asilo. Bani manje. Chale Asilo. Boy, on pas vle plate. Chale Asilo. Kouma yo pe manje. Babylon. You talk you weepy. Babylon, posant sa tombe. Babylon, je sens qui vive. Babylon, posant sa tombe. Gade yo pewe, bani toi vay. Gade yo pewe, bani la jan. Gade yo pewe. Bani manje, gade yo pewe. Boyon pa ka chanje, gade yo pewe. Pou fè travay bon Dye wo, wo wo. Babylon. Babylon, Dieu a qui vivait. Babylon. Posant sa tombe. Babylon. Je sens qui vive. Babylon. Posant sa tombe. Monsieur, Faut pas nous embellir la vérité. Messieurs, changez, ça m'existe. Changez Moses, changez David, changez Jacob, changez Isaiah. Ayoteye, ayoteye. Bon, ayoteye, en commencement. Accepter la vérité. Messieurs. Il joue un homme qui accepte la vérité, messieurs. Dis-moi. Faut pas nous embellir la vérité. Messieurs, changez ça et n'obtenez. Changez Moses. Changez David. Changez Jacob. Changez Isaiah. Ayoteye, ayoteye. Point de vue en commencement. Changez la vérité. Live a righteous life. For the things I have seen, it been hurting me too long. Now I'm on my way. I'm on my way. where we'll find love, peace, happiness, joy, milk and honey. I'm on my way to Zion, can't you see love? Now I'm on my way, oh yeah, where I will find love, peace and happiness. I'm leaving this corrupted land, I'm going to Zion, yeah. I'm on my way, Zion, Zion. I live in this evil land, I'm going Zion. All right. I'm living this corrupted land, I'm going Zion. Yeah, yeah. Too much pollution, too much corruption in this land, whoa, whoa. Too much, too much, too much. I can't stand it no more, no more, no more, no more, yeah. I'm on my way to Zion. All right. I'm leaving this evil land. I'm going Zion, Zion, Zion. I'm leaving this corrupted land. I'm going Zion. But I'm going to the place where I will find peace and rest, love, peace and happiness in my life. We are happiness, be that's where I want to be. Se nou pa vie kouman nou ke abye, se nou pa vie kouman nou ke sa aspe. Men nou eme mizik, nou ka jwe mizik. Men nou eme mizik, nou ka jwe mizik. Tous les jours, nous qu'à jouer musique. Et tous les soirs, nous qu'à jouer musique. Mais nous aimons musique, nous qu'à jouer musique. Si nous pas vieux pour moi, nous que ça acheter. Mais nous aimons musique, nous cassons musique. Mais nous aimons musique, nous cassons musique. Tous les jours, nous cassons musique. Et tous les soirs, nous cassons musique. Mais nous aimons musique, nous cassons musique. Thank you. Parler c'est bon tant qu'on est autre mon amour. Moi qu'à parler vous écouter. Actuellement tout bon tant qu'à tomber. Lâcher. Actuellement c'est tout pour nous changer. En nous pas boire, on nous pas boire sang. Et en nous laisser mauvais de tomber. En nous pas tuer, en nous pas rire. Messieurs, changer. Ombre nous voit sans c'est plus mauvais nos cafés. Et on fait nos coins importants pour nous. Mon amour tout bon temps pour en l'air. Lâcher. Actuellement c'est jour pour nous changer. En nous pas boire, on nous pas boire sans. Et en nous laisser mauvais de tomber. En nous pas tuer, en nous pas haïr. Messieurs, changer. Nous avons quand même. Des fois nous disons réfléchir. Disons, discuter mon à nous-mêmes. Des fois nous connaissons à nous quand même. Laissez bon temps là. Oh, laissez. Laissez. laissez bon temps là, laissez bon temps là. Wicked, wicked ones, Babylon. Babylon killing your children, one by one, two by two. Right in the hill, they're killing them, taking their freedom away. But remember what Jah Jah say, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Babylon, Jah Jah is calling now, calling his children. Babylon, all right. Jah Jah is coming back for his revenge. Babylon. Uh-huh. Jah Jah is calling now. Oh yeah. Babylon. Oh Lord. Jah Jah is coming back. Uh-huh. You can't stop that dread from stepping up higher. Punishment innocently, say we are a lawful society, using the weak of black men to gun down Jah Jah children. But with his love we stand up strong, that is one thing I won't forget. Jah say who use the gun will die by the gun. Oh, Jah Jah is calling now, calling his children. Babylon. Oh yes. Jah Jah is coming back for his revenge. Babylon. Uh-huh. Jah Jah is calling now. Oh yeah. Babylon. All right. Jah Jah is coming back. Uh-huh. One by one, two by two. Right in the hill, they're killing them, taking their freedom away. But remember what Jah Jah say, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Babylon. Uh-uh. Jah Jah is calling now, calling many children. Babylon. Oh yes. Jah Jah is coming back for his revenge. Babylon. Oh yeah. Jah Jah is calling now. Oh yeah. Babylon. Oh. Jah Jah is coming back. Whip them, Jah, whip them. Babylon. Jah Jah is calling now. Wipe them out of creation. Babylon. The wicked ones. Jah Jah is coming back for his revenge. Babylon. Uh-huh. Jah Jah is calling now. Yeah. Babylon. Uh-huh. Babylon, I don't mean...